Demain, pour une petite montée d'adrénaline, est-ce que ça vous tente justement? Saut à l'élastique, ski extrême, vitesse ou même manège à sensation, pourquoi certains d'entre nous ont-ils besoin de se faire peur et de vivre des émotions fortes? Ici, en tout cas sur cette antenne, tout sera sécurisé. Ce sera à 15h en direct, bien sûr, avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h. L'information, c'est avec vous, Céline Landreau. Céline. Et l'on prend tout de suite la direction du Champ de Mars à Paris. RTL Euro 2016. Car la fête commence dans la capitale à la veille du match d'ouverture entre la France et la Roumanie. La fan zone parisienne vient d'ouvrir ses portes, Jean-Baptiste Bourgeon. Oui, des centaines de visiteurs maillots de football sur les épaules, drapeaux en main, rentrent à l'instant dans les 130 000 mètres carrés d'animation ici au pied de la Tour Eiffel, littéralement quadrillés par la police et les agents de sécurité. Fouilles et contrôles sont renforcés pour accéder à cette longue file d'attente où nous nous trouvons et depuis laquelle nous pouvons apercevoir cet immense écran géant de 400 mètres carrés, véritable cœur du dispositif. Il va retransmettre tous les matchs de la compétition, mais avant, le temps attendu France-Roumanie demain soir, la fan zone va vibrer au son des nombreux artistes. David Guetta, Will, I Am sont attendus ce soir. Les derniers réglages sont en cours sur l'immense scène dressée face à la Tour Eiffel. Tout autour, les centaines de spectateurs investissent donc les pelouses du Champ de Mars, drapées en bleu, blanc, rouge pour cet Euro 2016. Jean-Baptiste Bourgeon en direct du Champ de Mars pour RTL. L'actualité, c'est aussi le mouvement contre la loi travail qui continue et qui se voit notamment aux poubelles qui s'accumulent à Paris comme à Marseille. Cela pourrait d'ailleurs encore durer. La grève est reconduite jusqu'au 14 juin dans l'usine d'Ivry, principal centre de traitement des déchets de France. Une grève qui dure aussi à la SNCF, trafic toujours perturbé au 9e jour du mouvement des cheminots. Ces derniers manifestent cet après-midi à Paris, un cortège d'un millier de personnes environ. Philippe Martinez, le leader de la CGT, estime lui que le mouvement n'est pas terminé mais ne veut pas s'attaquer à l'euro qui débute demain. Je ne suis pas sûr que bloquer les supporters soit la meilleure image que l'on puisse donner de la CGT, a estimé le leader syndical. À Air France, ce n'est pas la loi El Khomri qui est en cause, mais les conditions de travail et de rémunération des pilotes. Les négociations n'ont pas abouti avec la direction, alors ils feront grève dès samedi et jusqu'à mardi. 70 à 80% des vols seront tout de même assurés samedi, indique la compagnie. Elle avait été coupée il y a plus d'une semaine. L'autoroute A10 devrait rouvrir dans les prochains jours, c'est ce qu'annonce le groupe Vinci. L'axe avait été coupé en raison des inondations près d'Orléans. Plusieurs centaines de véhicules était resté immobilisé pendant quelques jours entouré d'eau. Le temps demain pluvieux et orageux sur l'ouest du pays. Des averses locales sont attendues dans la matinée de la Bretagne au Pays Basque et vont se décaler vers l'intérieur des terres dans la journée. Temps plus sec à l'est. Les températures de 9 à 18 degrés demain matin, de 19 à 28 l'après-midi du nord-ouest à la Corse. Les courses, un coup d'œil sur les arrivées à Vichy avec vous Dominique Cordier. Merci Céline. Avec les résultats de la quatrième, avec une abstention dans cette quatrième course, celle du 8, la victoire pour le 10, Schistou d'Irati, 8,70€, 1,90€. Deuxième, le 9, Cobalt Château, 1,50€. Troisième, le 4, Cowboy du Guerre et 2,20€. C'est le 13, Clovis Duval, à 7,1€, qui prend la quatrième place. La cinquième, c'était le Pic 5, la victoire pour le 7, vient de Chambé, 5,60€, 1,80€. Deuxième, le 10, Verica d'RP, 1,70€. Troisième, le 9, Vendouest, 2,10€. Quatrième, le 3, Oxford Street, à 7,1€. Devant le 8, Just Magic, à 12,1€. Et il y avait un quintet en début d'après-midi. Il fallait jouer le 4, le 8, le 1, le 5 et le 18. Merci Dominique Cordier. Il est 16h03, vous êtes sur RTL et c'est le moment de vos grosses têtes avec Laurent Ruquier. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Avec les téléphones et smartphones d'Euro, échangez avec vos proches, partagez vos photos ou trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Euro sur doro.fr. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui relouque et qu'on reluque, Christina Cordula. Une grosse tête qui comprend ce qu'elle veut, et ça fait longtemps qu'elle n'a pas voulu, Chantal Latsou. Une grosse tête qui s'est mise au jardinage pour ne pas manquer de culture, Stevie Boulet. Une grosse tête qui prépare son euro de football pendant que sa femme prépare ses valises, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête ambidextre, il peut vous mettre les deux mains dans la gueule, Pierre Vénichoux. Quelle réputation. Et un petit nouveau, une nouvelle grosse tête qui fait rire sur scène, qui a fait rire à la télévision et qui ne demande qu'à faire rire à la radio, Walid Yar. Peut-être, cher Wally, comme vous êtes tout jeune, le plus jeune d'entre nous, pouvez-vous présenter à Pierre Bénichoux qui aime bien savoir à qui il a affaire. Alors Pierre, je m'appelle Wally, Wally Dia, j'ai 27 ans, je suis humoriste et comédien. Tu parles trop vite déjà pour lui. Vous avez 27 ans? Ouais. Oh, dites donc. Ouais, ça arrive, il y a des gens qui ont 27 ans, mais vous avez l'air d'en avoir 22. c'est la connerie, peut-être. Non, c'est mon père à la préfecture, il avait la femme. Il est marrant. Je plaisante, j'ai été moi aussi, il y a quelques mois, le plus jeune de l'émission. C'est le jour où on n'est pas venu. Chantal Latou, vous connaissiez Walidia? Alors, je connaissais Walidia et je l'ai vu au festival de Marrakech, au Marrakech du Rire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, moi j'ai beaucoup ri. Je l'ai vu de côté, hein. Parce que vous étiez en Égypte. Mais il a fait vraiment un carton, il est formidable. C'est vrai, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. En plus, j'adore le rire de Chantal. C'est génial. On entend qu'elle, j'imagine, ouais, dans la salle. On a dû m'entendre, il y avait tellement de monde. Mais c'était très bien. Très bien. Et moi, je vous ai vu. Comment s'appelle l'émission de que je suis allée Jamel Comedy Club. De Jamel. Et c'était super sympa et j'ai même participé du sketch. C'est vrai. Vous avez participé du sketch? Oh mon Dieu. Pourquoi c'est pas un sketch qu'on dit? Non, participer au sketch. Ah, oh, Non, on peut dire participer. Oh là là là, mais on comprend. On peut dire participer de. Ah oui? Parce qu'on participe de quelque chose. Je n'ai pas participé. Mais c'est une émission de grammaire ou c'est comment ça se passe? Non, non, de grand-mère! Non, parce que je n'aime pas qu'on reprenne cette amie brésilienne. Ah bon, pourquoi? Mais non, pas qu'on reprenne dans l'émission, c'est normal. Qu'on vous reprenne, qu'on vous corrige. Voilà. Ah, c'est gentil, mais. Ah, ce rire. Enfin, il aime bien vous corriger, mais uniquement avec un fouet et des barésilles. T'es content de rentrer aux grosses têtes? Ah, c'est super. J'adore ça. Parce j'ai des images de Pierre Bénichoux en train de fouetter Christina Cordula. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, attention, ici, on ne dit pas magnifique. Ah, oui, on dit magnifique. Magnifique. Oui, on a compris. Ça va. On sait que tu touches. Magnifique. Ça va, on sait que tu touches 10 euros à chaque fois. Il est temps de passer à une première citation. Alors là, le principe est tout bête. Vous pouvez l'expliquer, Chantal, j'en suis sûr. Le principe de quoi? Pardonnez-moi, j'ai pas entendu le début de la question. Et voilà, ça commence bien. La première citation. Ah, alors une première citation d'un auditeur. Mais pas du tout. Oh. Bête comme elle est, elle mériterait d'être jolie, quoi, vraiment. Ça, c'est assez méchant. Voici donc une citation qui permettra peut-être à Jean-Pierre Berganzo d'Aubigny-sur-Nerf. Oh, tu parles, oui. C'est un auditeur. Ça pue la fausse adresse. Et voici la citation, assez jolie d'ailleurs, et quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, peut-être une fois si ma mémoire est bonne, mais là c'est peut-être 300 euros qui vont aller directement dans le porte-monnaie de M. Jean-Pierre Berganzo, qui a dit « Si tu n'obtiens pas ce que tu veux avec de l'argent, tu peux l'obtenir avec beaucoup d'argent. » Ah. Il est français? Il vient du Qatar? Ce n'est pas quelqu'un qui est français, même si on l'a adopté en France. C'est quelqu'un c'est qui est vivant. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Est-il vivant? Ah, d'accord. Vous avez adopté en France. Qu'on a adopté, oui, comme vous, on vous a adopté. Voilà, voyez. Justement. Donc exactement. C'est un cas de figure comme les miens. Romancier. Romancier aussi. Dramaturge. Dramaturge, pas tout à fait. Comique. Comique, non. Poète. Poète, à sa façon, oui. Anglais. Woody Allen. Woody Allen, non. Non. Américain. Américain, non, pas du tout. Anglais. Anglais, non plus. Espagnol. Espagnol, non. Bah, chinois. Belge. Chinois, non. Mais alors là, si vous cherchez le pays, on n'est pas arrivé. Le Bhoutan. Le Bhoutan. Écoutez, le Bhoutan. Je ne vous demande pas des nouvelles de votre caleçon. Le bouton. Est-ce qu'il viendrait plutôt des pays de l'Est? Oui, plutôt, voilà. D'accord. Cinéaste, oui, Christina. Polanski. Bah, c'est Romain Polanski. Non, c'est pas Romain Polanski. Émir Kusturica. Et c'est Émir Kusturica. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Mathieu, c'est quoi votre petite manie? Moi, vu que la deuxième bouteille de rosé Mont-Cigale est gratuite, eh bien, je mets la première dans le caddie et quand je mets la deuxième, j'imite la cigale. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de rosé Mont-Cigale Côte-Auvergne en Provence, 75 centilitres achetés, la deuxième est à 0 euros au lieu de 4,50 euros. Casinomania, c'est parti pour un mois de folie! Avec Casino, prenez goût aux économies! Très vite, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez-y, entrez! Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Petit bois. Coin cheminé. Tronçonneuse thermique. Quelle puissance? 46 cm cubes. Grande marque. Marque Hyundai. Chaîne Oregon. Guide aussi. Prix tranché. 79,90€. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Tronçonneuse thermique 46 cm cubes. Longueur du guide 45 cm à seulement 79,90€. Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. 16h-18h, votre rendez-vous sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Une question pour Monsieur Raphaël Scherer, qui habite Burnaupt-le-Bas, c'est dans le Haut-Rhin. Pour quelle raison a-t-on parlé ces dernières années du frère du chanteur Yvan Rebreuf? Oula. Pour il y a quelques années. Alors peut-être qu'il faut préciser à Wally Dia, voilà. C'est quand même tout jeune, qui était Yvan Rebreuf. Ah bah c'est pas moi qui vais lui expliquer non plus. Ah, vous savez ah, pas si ce qu'il est. Ah non, riche. Ah bah en tout cas, il a des super paroles. C'est des paroles. C'est un chanteur. Expliquez-lui, Pierre. Il y a eu une comédie qui s'appelait Ah si j'étais riche, qui était une histoire de. Ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait Le violon sur le toit. Oui, déjà. Non, bien, très bien, très merci. Bien. Merci. T'as entendu pas du violon dans le sous-sol, non? Non, le violon sur le toit, qui était une, ce qu'on appelle l'humour juif new-yorkais. Et c'était un vieux rabbin avec un truc comme ça. Et l'air le plus qu'on entendait tout le temps dans le film, c'est Ah, si j'étais riche. Yvan Rebreuf, c'est un type qui arrivait toujours sur les plateaux d'émissions de variété avec une toque de fourrure, la barbe. Il arrivait dans un traîneau tiré par des chiens, loups et des rennes. Ce qui était chiant en plein été. Et il chantait pop, enfin, toujours des chansons un peu. Ou 4 choc. À moins que je confonde avec Rika Zaraï. Il était du genre à chanter Kalinka, tu vois. Kalinka, Kalinka, Kalinka, Kalinka. Ah oui, il faisait ça aussi, effectivement. Les bras croisés et les jambes qui. Il a inventé la Macarena, tu vois, le mec. Et il faisait, il est revenu, l'attendu bugue. Je vois, je vais dire putain, j'en ai rien à branler de ce qu'il me raconte au gros. Non, je vais acheter l'album. Je vais acheter l'album. Vous me l'avez bien vendu. Ça n'a pas dépassé le vinyle. Hein. Bon, maintenant que Wally sait qui est Yvan Rebreuf, je repose la question. Oui. Pour quelle raison ces dernières années a-t-on parlé du frère d'Yvan Rebreuf? Alors dans la politique? Pas du tout. Il est apparu dans un fait divers? Ah, ça c'est pas mal, monsieur Gazan. Il a tué quelqu'un ? Exact. Ah, Ben Laden. Alors là, bravo, Wally. Le frère d'Yvan Rebreuf a tué quelqu'un. Ah bon ben... À Lincoln. C'est pas lui, c'est pas lui qui aurait tué l'opposant russe qui avait été empoisonné. Ah, du tout. Non. Là, vous venez de faire un pas de géant aux grosses têtes, Wally. Ouais. Je sais pas comment, par hasard. Hein. Ah, mais fait divers, meurtre tout de suite. Alors, c'est peut-être parce que t'as un casier, tout bêtement. C'est des raccourcis dans mon cerveau, c'est comme ça. Il a tué sa mère. Quoi ? Il a tué sa mère. La mère à Ivan Abramoff. Pourquoi c'est devenu une racaille dès qu'elle a dit « la tue sa mère ouais. »« La tue sa mère, son frère, son père, frère. » Oh, le rire de l'autre. Merci de m'avoir mis à côté. On dirait, hein. On dirait la tata bourrée au mariage. Non, la tata bourrée après le mariage, elle est là-bas. Et le plus angoissant, c'est qu'elle a le même rire que Marcel Desailly. Bon, dites mon frère, enfin mon frère, c'est pas mon frère, le frère d'Ivan Rebroff. Donc il a tué quelqu'un. Il a commis un meurtre. Oui. En Russie. Meurtre, le mot est. Oui, oui, remarquez, on peut dire ça, oui. Ah, c'est pas ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Non, pas quand même. C'est pas le... Est-ce que c'était en Russie qu'a eu lieu ce meurtre? Ce n'est pas en Russie. Ah, mais c'est aujourd'hui. Ah non, attention. On l'a. Attends, oh là là. Mais il a tué un être humain? Ah oui, oui, ça non, c'est oui. Non, non, il a écrasé c'est une mouche. C'est celui qui a tué la mère de Bambi. Il a tué la soirée tellement il était chiant. Tuer, c'est un être. Ça s'est passé donc en Russie? Alors ça s'est pas passé en Russie du tout. À Rasputin? Rasputin. Alors il faut savoir quand même, je vous le dis, que Ivan Rebroff, contrairement à ce qu'on imagine, n'était absolument pas russe. Hein. Ah, c'est, il était belge, non? Non, non, non, non. Ah. Et il était quoi? Ivan Rebroff, c'était son surnom, son pseudonyme, mais il n'était pas russe du tout. Il était américain. Il a fait croire qu'il était russe pendant des années, mais il n'était pas russe. Il était français. Il s'appelait Jean-Claude Marchoul, il était à Limoges. Non, mais en revanche, il a tué un Français, ça, oui. Ah, ouais, un Français connu? Un Français très connu. Jean Moulin? Il vous reste 30 secondes. Jean Moulin. Il a poussé... Entre ici, Jean Moulin. Il a poussé Mike Brandt? Remarquez, c'est pas si loin. Hein. Il a poussé Mike Brandt. Est-ce que vous pourriez me faire une chanson de Mike Brandt reprise par Ivan Rebroff? Parce qu'Ivan Rebroff, évidemment, a poussé Mike Brandt, faut le savoir, pour reprendre son répertoire. Qui saura, qui saura, qui saura. Non, non, mais non, évidemment pas Mike Brandt. Non, c'est plus vieux. Attention, il est mort il n'y a pas longtemps, hein, le frère d'Ivan Rebroff. Autant vous dire, il est mort en 2013. Et c'est avant de mourir que... Mais écoutez, il vous reste peu de temps, là. Ça va être 300 euros pour l'auditeur, tant pis. Et vous n'allez pas en revenir de ce que je vais vous raconter. C'est le frère d'Ivan Rebroff, 300 euros donc pour monsieur Raphaël Scherrer de Burnopte-le-Bas. C'est le frère d'Ivan Rebroff qui a tué Saint-Exupéry. Ah bon? Sérieux? Mais incroyable. Horst Rippert. Ah, ce qui voulait pas lui dessiner de mouton. Je veux un mouton, mais avec une toque en fourrure. Dépêche-toi. Je veux un mouton avec une toque en fourrure. Écoutez, j'en sais rien, mais le frère aîné du chanteur Ivan Rebroff s'appelle Horst Rippert, et Ivan Rebroff, lui, s'appelait Hans Rolf Rippert. Ils sont frères, donc. Et monsieur Horst Rippert, c'est cet aviateur allemand de la Seconde Guerre mondiale qui, le 19 avril 2013, pardon, le 31 juillet 44, a abattu Saint-Exupéry. Et évidemment, c'est ça qui est incroyable, quand même. Vous imaginez un peu. C'était dans le cadre de la guerre. Oui, bah oui. Non, non, c'était l'enquête d'un week-end entre amis. Je croyais qu'il avait scratché. Dans le cadre de la guerre. Est-ce qu'on peut écrire plus mal que ça? Dans le cadre de la guerre. Oui, dans mais le cadre de la guerre. Mais c'était pendant la guerre, ta gueule. Dans le cadre de la guerre, au niveau des brutalités. Il l'a pas dit tout de suite, attention, hein, il a abattu l'avion en 44, et c'est seulement dans les années, là, il n'y a pas longtemps, avant de mourir. Il vient de tomber. Non. C'est seulement avant de mourir que Horst Rippert a avoué, il était journaliste, reporter sportif à la deuxième chaîne de télévision allemande, et il a reconnu que c'était lui, sans en apporter la preuve, hein, qui avait abattu le 31 juillet 1944 le pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry. C'est en tout cas une excellente... non, c'est pas une excellente réponse, non, d'ailleurs. Non. C'est une excellente, une excellente réponse de vous. C'est en tout cas 300 euros pour un auditeur, et c'est tant mieux. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bernard, oui. Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. L'escabeau professionnel 5 marches garantie 10 ans est à 88 euros. Et pour 1 euro de plus, tu as un marche-pied 3 marches. 3 marches en plus? Pour 1 euro de plus? Oh ben j'ai envie de dire ça roule. Non, t'as pas plutôt envie de dire ça marche. Gédimat, matériaux et bricolage.

Pedro, êtes-vous prêt? Avez-vous un petit message à faire passer avant que je pose la question? Entre Pedro, j'espère qu'on va s'entendre. Yes, yes, darling. Bah, il y en a un, c'est pas un Pedro de l'année, hein. Je vois pas de qui vous parlez. Mais non, c'est pas gentil, c'est pas parce qu'il a 51 ans qu'il a pas le droit de rigoler, lui aussi. La question est très, très facile, Pedro. Très, très facile. Surtout si vous aimez le football, puisqu'on est à la veille de l'Euro. Évidemment, on va parler un peu de foot. Oui, l'Euro 2016, vous êtes au courant. Ça se passe chez nous, vous voyez. Et j'imagine que vous allez encourager les Bleus tout de même. Bien entendu. L'équipe de France de football. La question est très, très simple. Hein. Profitez des 10 secondes pour répondre à la question. Le nom du capitaine de l'équipe de France de football. Alors là, si tu sais pas ça... Matuidi... Non, c'est pas Matuidi, non. Oh là là. Même Chantal. Lloris. Alors, Hugo Lloris. Hugo Lloris, c'est gagné. Bravo, Pedro. Ben oui, c'est le gardien de but, gardien de Tottenham, hein, il joue en Angleterre. De Tottenham, tout à fait. Et voilà, vous saviez pas quand même d'emblée, il a fallu vérifier, je m'aperçois, Pedro. Ah, je crois que c'était la pression de vous avoir en ligne. Ah, la pression, ah, oui. Ah, la pression, oui. Et oui, vous le saviez, vous hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit derrière. Maman, vous arrête, maman. Ah, c'est tout le laboratoire qui est en ébullition. Ah, il y a tout le laboratoire, ils sont tous sur nos dents, là, en ce moment. Voilà, on est tous sur vos dents, on était tous prêts, là, hein, à vous accueillir. Écoutez, vous êtes arrachés, en tout cas, Chantal. Bravo. Oui, bien sûr, Hugo Lloris. Non, Lloris. Lloris, oui. On dit Lloris ou Lloris? Lloris. C'est pas bizarre d'avoir un Gaul comme capitaine? Parce qu'il est pas dans l'action, en fait. Oui, d'accord. Il est un peu en dehors de l'action. D'accord, on vous écrira. Non, c'est une bonne remarque. Arrête, une vraie question. C'est une bonne remarque. En 98, c'était Didier Deschamps, mais il était là, au cœur de l'action, là, je sais pas. Quelqu'un qui est au Gaul, qui est tout seul, en fait. Au Gaul, mais. Au Gaul. Enfin, au but. Oh. En Italie, c'est pareil, hein, c'est Buffon, le capitaine. Ah bon? Enfin, écoutez, c'est d'abord un bon capitaine. Putain, c'est surtout un très bon gardien de but. On l'embrasse. Ah bah, je sais pas si on va aller jusque-là. Lui, pourvu qu'il pique un béco, il est content. Vous avez connu Jules César, on l'embrasse. Votre joueur préféré, Stevie, c'est lequel alors? J'en ai plusieurs. Ogier, j'aime bien. Ogier. Ogier, c'est un pilote d'automobile, Ogier. Alors là, c'est le champion. Il va être bien au Stade de France avec sa bagnole. C'est le champion du rallye, Ogier. Oui, non. Pas Aurier non plus, parce qu'il n'est pas. Non, pas Aurier. Aurier. Il aime bien les fiottes, hein. Oh non. Non, mais Aurier, il joue pas en équipe de France. Il n'est pas sélectionnable. Platini. Connasse. Mais non, on dit pas connasse à monsieur Bénichou, il vous a traité de connasse. J'ai pas dit connasse. Ah si, vous avez dit connasse. Ben, je trouve qu'il exagère, c'est tout. C'est celle qu'il dit qui est. Pedro, en tout cas, vous partez à Port-Camargue. Bravo. C'était super. Merci à tous. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du sérum de l'été. Vous le savez, le soleil peut entraîner l'apparition de taches. Le sérum éclat anti-tache Inoperfect Caudalie est unique. Grâce à la viniférine, active 62 fois plus efficace que la vitamine C, il est la solution contre les taches. En prévention, avant chaque exposition, appliquez le sérum Vinoperfect sous votre crème solaire pour un bronzage sans tache, quel que soit votre type de peau. En ce moment, pour un sérum Vinoperfect acheté, un soin solaire IP50 offert, en pharmacie et parapharmacie participante dans la limite des stocks disponibles. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je crois qu'on est mal embarqué là. Avec Lidl, tu pousses pas un peu, non? Pas du tout. Demain et après-demain, la barquette de mélange de jeunes pousses de salade est à 89 centimes. Des jeunes pousses à 89 centimes la barquette chez Lidl? Tout ça c'est des salades. Oh, de jeunes pousses, oui. Et origine France en plus, à 89 centimes. On met des pousses là, non? Oh, tu me pousses à bout, oui. On est mal, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. La barquette de 125 grammes, 7,12 € le kilo. Catégorie 1, origine France. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 € sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 150 euros tous les 1000 euros d'achat. Modalité en espace conseil et sur vérandarideau.com. Allez hop hop hop, touche chez Véranda Rideau. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innover autrement. Électro Dépôt. Cet été, pour tous les événements sportifs, soyez électro-tranquille. Nos produits sont garantis 2 ans, pièces et main d'œuvre. Et en cas de panne, la grande télé, faut la ramener? Non, on se déplace à domicile gratuitement. Électro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Garantie soumise à condition, voire détail en magasin. Électro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménager de France. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier. Et cet après-midi, dans le grand studio, Christina Cordula, Walid Dia, Chantal Latsou, Pierre Bénichoux, Florian Gazan, Stevie Boulet. Vous permettez, cher Pierre Bénichoux, que je pose une question pendant que vous draguez au premier rang. Je drague pas, je rêve. Il y a une jeune femme blonde. Vous êtes chargée, Walidia, parce que je vous ai installé. Vous êtes un peu costaud quand même par rapport au gringalet qu'on a ici. Et vous êtes chargée de retenir Monsieur Bénichoux pour qu'il ne saute pas sur le premier rang. Mais il peut pas sauter. T'es comme ça, toi. Dites-moi, quant à vous, vous devriez choisir des jeans belges ou bleus ou ce que vous voudrez. Mais c'est la dernière fois que vous venez en short ici. Bah allez, on regarde pas, changez-vous. Pourquoi il peut pas venir en Bermuda? Oh, cette voix. Ah, bah c'est la voix du style qui parle chez vous. Monsieur ne peut pas vivre en Bermuda noir? Pierre déteste cette époque de l'année où nos spectateurs, c'était déjà vrai, c'est vrai, au printemps de l'année dernière, où le public commence à venir en short. Non, c'est pas short, hein. C'est une Bermuda. C'est pas... Bermuda, c'est short. Non, monsieur. C'est une Bermuda noire où il a des derbys magnifiques, sans chaussettes. Ah ouais, mais avec un Bermuda. J'espère. Non, il y a de la soquette, Et t-shirt noir avec la belle montre et la coiffure style. Non, mais il peut se lever, le monsieur. Il y a de la soquette. Là, le fashion faux pas. Ah ouais. Quand je pense que le directeur de la comptabilité voulait passer inaperçu au premier rang. Ça calme, hein. Non, c'est vrai? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas si c'est le directeur de la comptabilité, mais il est coiffé Bogdanov, quand même. Non, mais la jeune femme blonde s'inquiète, quand même, Pierre. Et comment qu'elle s'appelle? J'entends pas, vous n'avez pas de micro. Laurence. Ah, mais nous, on a des oreilles. Elle s'appelle Laurence, Pierre. J'en ai eu des Laurence, moi, attends. Ouais, ouais. Moi, j'ai beau chercher, j'en ai pas. Bon, alors, je pose ma question, vous êtes d'accord? Je vous laisse terminer avec le premier rang et pendant ce temps-là... Surtout qu'il y a quelqu'un au téléphone, quand même, non? Pas du tout, Chantal. C'est la 63e année, elle n'a toujours rien compris. Non, c'est une question pour Monsieur Crépin, des Petites Loges dans la Marne. Et la question est culturelle. J'ai d'ailleurs besoin de Pierre Bénichoux parce que je suis pas sûr que les autres vont pouvoir répondre. Non pas que je mette... Merci pour les idiots. Merci. Je mets pas en doute évidemment les qualités des uns et des autres. Pardon. C'est pas gentil parce que quand même on sait les trucs. Ah, quelque part, merci. Hein. Moi je suis brésilienne. Tu sais rien. Mais moi ma chérie, attends. Oui, justement. C'est pour ça que je suis une fille intéressante dans cette émission, parce que j'apporte au moins de la joie de vivre, de la chaleur, de la samba. Voilà. C'est pour ça qu'on vous aime, Christina. Voilà, il faut un peu, vas-y, allez-y. Je suis sympa. Oui. J'apporte du bonheur aux gens. Bien sûr. J'apprends les gens à être style. J'apporte du soleil, des rios, de la samba. Yes or no? J'ai défendu les messieurs avec la Bermuda. Yes or no? Je comprends pas ce qu'elle dit, Pierre. Merci. Moi non plus, mais je vois qu'elle a un revolver dans la main. Elle a branché la sono. Je suis pas sympa, moi. Je suis pas gentil. Et elle te l'a envoyé. Mais oui, mademoiselle. Molo. Vous êtes... oui ou non. Yes ou non. C'est yes, ça. Yes ou non. J'ai branché la sono. La sono. Yes, le courrier, c'était coupé la sono. Coupé la sono. Yes ou non. Mais vous savez, quand on veut du bien aux gens, honnêtement, on peut être kéchéri. Moi, je veux que du bien aux gens. Je ne casse personne. Yes ou non. Et je suis... Oh non! Yes! Qui a déclenché l'alarme? Appeler un plombier, c'est pas possible! Je la pose ma question! Oui, yes or no? Comment ça vient faire? C'est vrai que c'est une question culturelle. Oui, monsieur Stevie, c'est pour ça que vous pouvez aller pisser. Allez! Il s'agit de compléter cette citation de Victor Hugo. Pierre, je sais que vous êtes le spécialiste des poèmes de Victor Hugo. Remarquez, Stevie s'y connaît bien en poésie. Hein. Il connaît des tas de poèmes par cœur. Là, évidemment, je vous demande simplement de compléter ces vers de Victor Hugo. Il manquera un mot, le dernier mot. Voici donc... cet extrait d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Toute la lyre ». Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon, et j'ai pour tout plaisir de voir à l'horizon un groupe de toits bas d'où sort une fumée, le paysage étant plat comme... Yes or no? Non, Chantal, ça marche pas à chaque fois. Il manque un mot derrière « comme », hein, vous l'aurez bien la compris. « Mémé ». Comme mémé, non. Mais c'est un « et » en tout cas. Mais oui, pas si loin, remarquez bien. Comme « Edmé » ? Non. C'est un nom commun ou un nom propre ? Voilà, ça c'est une bonne question, monsieur Gazan, ça fait avancer les choses. Et effectivement, c'est un nom propre et non pas un nom commun. C'est toute la particularité de la question. Comme « aimé » ? Comme « aimé », non. Comme « Mallarmé » ? Comme « Mallarmé », non. C'est en deux syllabes. C'est un prénom ou un nom ? Alors, si vous comptez le nombre de pieds, vous comprendrez, cher Chantal, que c'est en trois syllabes. Trois pieds, ah oui. Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon, et j'ai pour tout plaisir de voir à l'horizon un groupe de toits bas d'où sort une fumée, le paysage est en plat comme... Guernesey ? Non. Et Nora Malagré ? Non. Et pas plate, Malagré. Non, et pas plate, il y aurait du relief. Hein. C'est un nom de famille ou un prénom ? Ah, c'est un nom de famille. Est-ce que c'est un autre auteur, un concurrent ? Oui, exact. François Copé ? Non, François Copé. Jean-François, d'accord. Oui. Non, non, c'est pas François Copé. Auteur français, donc. Auteur français. Quand même, là, dès qu'on monte un peu le niveau des questions, ça rame. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est un romancier ou un poète, rival ? C'est un romancier. Malparté, non. Il faisait du roman d'aventure, roman... C'était plutôt un écrivain, un historien. Comme Michelet. Comme Michelet, pas du tout. On y a cru. J'adore, il le fait très très très bien. Quand je fais rire Chantal. Ah hein. Oh oui, alors c'est gagné. Ah bah, tous les moyens sont bons pour la dérider. Vous m'avez presque dans votre lit. Mais bien sûr, Chantal. Comme Sébastien Ogier, le footballeur préféré de Stevie. Écoutez, franchement, c'était pourtant très facile. Il vous reste 30 secondes. Oh, pas taillé. Je vous signale qu'on a déjà envoyé un chèque de 300 euros à cause du frère d'Ivan Rebroff. On va pas recommencer maintenant avec cet écrivain, cet historien, visé par Victor Hugo dans ce vers. Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon. Et j'ai pour tout plaisir de voir à l'horizon un groupe de toits bas d'où sort une fumée. Le paysage est en plat. Comme Mérimée. Oh, Mérimée. Enfin, Mérinos, voyons. Je le savais. Prosper Mérimée, ah, oui. Monsieur Bénichou. C'est pas possible qu'il l'ait dit. Est en plat comme eux, Mérimée. Oui, est en plat comme Mérimée, puisque je vous le dis. Monsieur Bénichou. C'est une faute de versification. Oh, bah, c'est, non, j'ai dit comme. Il va corriger Victor Hugo maintenant, oui, Bénichou. Oui, oui, oui. C'est pour rire, parce qu'il écrit comme C-O-M, apostrophe. On peut dire comme Mérimée. Le paysage est en plat comme Mérimée. Le paysage est en plat comme Mérimée. D'où c'est Alexandra. Voilà. Prénom de Mérimée, monsieur Walidia. Gérard. Pense au pain d'épices. Prosper. Prosper. Voilà, pensez à Maurice Chevalier. Prosper Mérimée, 300 euros de distribués encore. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL.

Pour l'instant, ça va, à part ce que vient de dire Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il avait, c'est un conte de les. Mais non, c'est de l'espoir. Il voulait lui faire passer un message. Il savait pas à l'époque, évidemment. Mais non, on l'a forcé, le pauvre, justement, c'est triste, on l'a forcé. Ah, bah oui, mon père aussi, on l'a forcé à donner les juifs pendant la guerre. Non, ça marche pas. Avec Hitler, je rigole pas, moi. Il avait quel âge en 36 quand effectivement il remet ce rameau d'olivier à Hitler? En 36, il avait 62 ou 63 ans. Et puis il n'était pas réapparu, en fait, depuis sa victoire en 96. C'est quelqu'un qui cherchait pas du tout les médias, l'attention, etc. Mais on l'a sorti de sa campagne, on lui a mis son costume traditionnel grec à une petite jupette. Et le pauvre, tout vieux, chenu, ridicule, on l'a conduit jusqu'à Hitler, à qui il a offert timidement et piteusement... Mais il était obligé d'accepter ça ? Bah, c'était vraiment un paysan grec qui habitait à une dizaine de kilomètres d'Athènes. Il a eu une lueur, une sorte d'éclat comme ça dans sa vie qui a duré 2h58 et c'est devenu le héros de tout un pays et presque un demi-dieu. Et il s'est complètement retiré, c'est-à-dire il a fait une seule course dans sa vie, hein. C'était pas un sportif, c'était pas un athlète. Il a fait une seule course dans sa vie, il est retourné à son... Il vendait de l'eau, en fait, il amenait de l'eau à Athènes sur des charrettes, il la vendait. Et puis, en 36, j'imagine que l'entourage d'Hitler, ou je sais pas qui, a cherché un symbole comme ça pour le pimenter et glorifier les Jeux de Berlin. Et on est allé le chercher, on l'a pris, on l'a amené, donc je pense qu'il a pas vraiment eu... Ni l'énergie, ni les moyens de... Mais il n'a pas compris ce qu'il faisait, surtout. J'imagine que c'est un prétexte pour vous, Philippe Jaïnada, des tas de digressions, maintenant que je connais un peu mieux votre style, pour avoir lu quelques livres magnifiques, d'ailleurs, que vous avez pu écrire. Et c'est vrai, vous parlez des Jeux Olympiques en général. Dites-leur quels sont les autres sujets principaux du livre. J'imagine que vous ne pouvez pas faire 184 pages uniquement sur Spyridon. Non, c'est une sorte de fil rouge, d'autant qu'on sait très peu de choses sur lui. Hein. Donc c'est juste une sorte de fil rouge comme ça, mais sinon, moi, c'était un vrai plaisir d'écrire ce livre, parce qu'alors, dans les Jeux Olympiques, je parle un peu des Jeux Olympiques antiques d'abord, mais qu'on connaît quand même assez, et puis dans ces premiers Jeux Olympiques d'Athènes en 96, donc, il y a 11 500 anecdotes, enfin des trucs vraiment, parce que c'était vraiment pour le coup des amateurs, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, le 100 mètres, les Américains ont tout raflé, en fait, ça a commencé dès le début, les Américains ont tout raflé. Le 100 mètres, les Américains partaient comme on voit les sprinteurs partir maintenant, c'est-à-dire accroupis, les mains par terre. Les autres concurrents, les Grecs, mais aussi les Anglais ou les Italiens, etc., les regardaient, mais avec un mélange de surprise et de pitié, presque, de les voir partir à quatre pattes, quoi. Ah oui, parce que les autres étaient debout et les Américains accroupis. Mais oui, du temps des Grecs, il n'y avait pas d'Américains. Pardon ? Du temps des Grecs, il n'y avait pas d'Américains. Mais en 1896. Elle est repartie. Excusez-nous, mais on a une antiquité ici. Hein. Mais Monsieur Ruquier nous a dit que... Ruquier, vous m'appelez Monsieur, oui, Ruquier maintenant. Bah oui, oui. Je vais pas dire mon lolo. En dehors de la maison, il t'appelle comme ça. Non, mais alors Monsieur Ruquier nous a dit que ça avait repris en 1896. Ça veut dire que les Jeux se sont arrêtés pendant combien de temps? Oula. Alors, parce que ça remonte à l'Antiquité. Ouais, ça remonte à l'Antiquité. Les premiers Jeux, c'est vers 780 avant Jésus-Christ. Ah oui. Et juste avant l'anniversaire de Chantal. T'es gentil, Wally, tu reviens plus. C'est-à-dire que ça s'est arrêté 2600 ans. Ouais, ça a été arrêté en fait en 250 après Jésus-Christ par les chrétiens. Le premier empereur chrétien a décidé que c'était vraiment... Enfin, Dieu n'aime pas les hommes à moitié nus qui courent dans tous les sens. Donc, il a fait supprimer... Oh, c'est revenu à la mode, hein. Et donc, c'est revenu en 96 par Coubertin. Mais d'ailleurs, c'est pas vraiment une idée de Coubertin. Coubertin était malin, il a récupéré des idées... C'est l'auteur de la fameuse phrase de l'important, c'est de partir pisser. Et alors, en 1896, c'était où les Jeux Olympiques? C'était à Athènes, donc c'est-à-dire Athènes. Que ils ont décidé assez naturellement, mais tout le monde se foutait un peu de Coubertin, parce que les gens disaient, voilà, il va y avoir des athlètes nus, enfin, ils pensaient qu'ils voulaient vraiment restaurer les Jeux Olympiques comme c'était à l'époque de la Grèce, ouais. Et il a eu cette idée de génie qui est d'inventer l'épreuve de marathon. C'est une épreuve qui a été inventée. Mais alors, pour le coup, c'est presque de la télé-réalité, justement, mais encore ce que sera peut-être la télé-réalité dans 50 ans. C'est-à-dire que c'est un copain à lui qui lui a dit, écoute, pour pimenter le truc, pour faire ce qu'on n'appelait pas encore le buzz, il faut qu'on crée une course. Il y a une vieille légende qui dit qu'un type a couru 40 km et qu'il est mort à l'arrivée. On va faire ça, on va faire une course, on va voir si les types peuvent arriver vivants, quoi. Et donc, personne ne voulait s'inscrire à ça. Sauf quelques fous furieux et quelques paysans. Et Spyridon. Donc, Spyridon, c'est son nom de famille ou son prénom?

d'appeler. C'est vous qui allez parler en premier à Benjamin. Benji, peut-être, vous pouvez l'appeler Benji. Enfin, écoutez, je vous laisse faire. Ou Ben, peut-être. Ben. Bailliencourt, dans la Somme. Il a envoyé un petit message, d'ailleurs. Christina. Allô, Benjamin ? Comment allez-vous, Benjamin ? Alors, on va recommencer. Il est parti. Elle découvre le téléphone. Bah, il dit pas allô d'abord ? Non, mais si, mais... Je sais pas, on attend la... allô et on dit après, je sais pas, moi. Mais tu peux le dire avant, tu sais, c'est un échange, quoi. Elle vient du Brésil, excusez-la. Oh, j'ai des cas ici, j'ai des cas. Tu sais, dans les favelas, c'est deux pots de yaourt avec une ficelle, le téléphone. Bah, écoute, le mec, il dit allô et après, on parle. C'est comme ça qu'on fait. Il a eu peur. C'est international, ce signe, cette langage. Est... Même au Japon, c'est comme ça. Tu dis mouche. Mouchi mouchi et l'autre mouchi, dit mouchi mouchi, mouchi mouchi. Oui, mais si vous dites mouchi mouchi, il va raccrocher. À moins que ce soit japonais, mais c'est rare. On réessaye, hein, on va ressonner une fois. Christina, faites un effort. Alors dites-moi, donne-moi le top. Bah, attendez que ça sonne là maintenant. Alors, vas-y. Ça ressonne, Christina, vous êtes au taquet là. Allô ? Bonjour, Benjamin. Bonjour. Comment allez-vous, chérie ? Chérie ? Est-ce que vous savez qui parle avec vous ? Je crois reconnaître la voix, oui. Alors, c'est qui, à votre avis ? Les grosses têtes RTL. Et la dame qui vous parlait, c'est qui ? Christina Cordula. Et ben voilà, voilà. Vous avez gagné rien que ça, la valise. Non, non, il a pas gagné, non, non. Eh, vas-y, mollo, hein. Ah, c'est pas son pognon, elle s'en fout, elle repart au Brésil. Ah, yes or no. Vous êtes sur la route, j'ai l'impression, non ? J'entends du bruit. Oui, je suis chauffeur routier, oui. Ah, alors, il faut garer votre camion, là, et nous dire ce qu'il y a dans la valise. Dans pas longtemps, je vais me garer, oui. Qu'est-ce que vous appelez dans pas longtemps ? Une heure ou deux ? À peu près, ouais. Si vous pouvez me rappeler après. Qu'est-ce que vous transportez ? Rien. Ah bon. Je vais charger. Ça veut dire de la drogue. Non, que là, non. C'est compliqué, cette affaire-là, évidemment. On vous laisse un peu de temps parce que non, ça n'a pas coupé. Vous êtes chauffeur routier. Déjà, on vous a donné une deuxième chance vu que Christina a un peu raté son premier appel. Il faut bien le dire. Mais elle s'est très bien rattrapée avec sa deuxième fois. Vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Oui, vous m'entendez ? Alors, combien y a-t-il dans la valise RTL ? Alors, il y a 1080 euros. Oui. Un livre Lionel Cazin, photographe. Oui, de... Alexandra Cazin. Voilà. Un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. Et vous avez gagné la valise Bravo. RTL. Ah, je suis content, nickel. Avouez que je vous ai un peu aidé quand même. Oh, il y a la béniche. Et oui, il y a la béniche, comme vous dites. C'est Christina Cordula qui, en tout cas, vous a permis de gagner en vous appelant. C'est Walidia, le petit nouveau, qui a choisi votre numéro au hasard. Benjamin, bravo et merci pour votre fidélité. Vous habitez Bailliencourt, mais où vous êtes là au moment où vous nous parlez ? Sur l'autoroute A1 à hauteur de Roy. Et ça roule ? Ça roule, ouais. Il y a un peu de monde, mais ça roule. Il y a un peu de monde, quand même. Bah, écoutez, vous pouvez remercier Christina. On va vous envoyer très vite ce chèque de 1080 euros, qui, j'en suis sûr, avant les vacances, va faire du bien, je me trompe ? Oh oui. Oh là ! Je viens de déménager, j'ai besoin d'argent, donc c'est impeccable. Ah, vous aussi, vous déménagez, moi aussi, je déménage. Hein, putain. Et puis, alors, je peux pas... Mais lui, il a pas besoin d'argent, lui. Oh, tu sais, on sait jamais. Ouais. Et en plus, vous pouvez toujours habiter dans votre camion, tandis que lui, dans sa Ferrari, il peut pas dormir. Bon, on peut changer. J'ai pas de Ferrari, me collez pas une légende. Vraiment. Il a une Porsche, ça n'a rien à voir. Même pas. C'est comme ça qu'il m'a emballé en me disant tu viens faire un tour en Ferrari. Oh. Et maintenant, il avoue qu'il a pas de Ferrari. Mais non. Mais j'ai l'air d'une conne, moi, ou quoi. T'as fait un tour dans Jérémy Ferrari. Oui. Non, mais en revanche, c'est quoi votre camion à vous ? Ça m'intéresse. Quel genre de camion ? C'est un gros semi-remorque. Semi-remorque Renault. D'accord. Un semi-remorque Renault. Et d'ordinaire, vous transportez quoi ? Puisque vous ne m'avez pas dit là ce que vous aviez, vous êtes avide, manifestement. Oui, des brioches pour une très grande marque. Des brioches ! C'est des pitch ? Oui, voilà, oui. Transporteur de brioches, Pierre, vous connaissez ? Sauf que Pierre, pour le décharger. Vous êtes toujours là, Benji ? Allô, Benji? Il a eu un accident. Ah, il est passé dans un tunnel. Ah bah, je crois qu'on a, on l'a perdu en route. Peu importe, notre gagnant a touché 1080 euros. On lui envoie très vite son chèque, le livre de Lionel Cazan et un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. On se retrouve après les infos. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Géant, jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 25% sur une large sélection de téléviseurs de marque. Par exemple, ce téléviseur LED 80 cm Panasonic à 208,82€ au lieu de 278,43€. Rendez-vous vite dans votre Géant, les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Capture dans une compilation d'offres exceptionnelles. Et la French Touch vous sort le grand jeu, à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. RTL. Toujours avec vous. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 17h. Les infos, Céline Landreau. Et direction tout de suite la fanzone Tour Eiffel à Paris. RTL Euro 2016. La fanzone parisienne qui a ouvert ses portes cet après-midi sous le soleil. Gauthier de Lombugard, pas de foot ce soir au programme, mais de la musique pour lancer la fête. Oui, et les quelques centaines de visiteurs commencent à prendre place sur la pelouse du Champ de Mars face à cette immense scène devant la Tour Eiffel. Ils attendent avec impatience les artistes de ce soir, David Guetta, Kenji Girac, Florent Pagny. Dans la foule, il y a notamment Farah, drapeau bleu, blanc, rouge dans les mains. Pour faire la fête entre amis et s'amuser, quoi. Enfin, se faire plaisir, quoi. Moi, je suis surtout venue pour David Guetta, le public, ça va être bien, quoi. Et puis avant le concert de ce soir, les visiteurs peuvent aussi déambuler dans les allées, profiter des nombreuses animations, notamment ce terrain de foot avec des ateliers et puis tout un espace dédié aux jeux vidéo pour les férus de ballons sur console. Voilà, encore quelques heures à patienter avant de chanter et danser dans la fanzone parisienne. Gauthier de Lombugard dans la fanzone Tour Eiffel où les supporters pourront voir les Bleus demain pour le match d'ouverture à 21h face à la Roumanie. On reviendra évidemment sur cette compétition tout à l'heure dans RTL Soir avec vous, Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Bonsoir Céline, oui, en RTL le soir bleu avec notamment trois générations de joueurs. Marian Wisniewski qui était sur le terrain en 1960 quand la France a accueilli pour la première fois l'Euro. Alain Girès qui a gagné l'Euro donc avec l'équipe en 84 et Robert Pires victorieux en 2000. Et puis un RTL soir rouge avec la colère sociale évidemment dont vous allez nous parler maintenant Céline, je crois, non ? Vous croyez bien, merci Marc-Olivier. À tout à l'heure, 18h. La contestation sociale, Marc-Olivier Fogiel en parlait avec ses poubelles qui s'accumulent. La situation empire à Paris selon la mairie et la grève se poursuit. La CGT l'a annoncé tout à l'heure, le mouvement est reconduit jusqu'à mardi dans le principal centre de traitement des déchets de France. Mardi, jour de manifestation nationale contre la loi travail. La grève continue aussi à la SNCF, le trafic est toujours perturbé. Il le sera donc aussi demain sur la ligne du RERC qui rouvre dans la capitale. La circulation avait été interrompue la semaine dernière face à la crue de la Seine. Là aussi, les intempéries avaient coupé la circulation. L'autoroute A10 devrait rouvrir dans quelques jours dans le secteur d'Orléans, sur les tronçons qui avaient été submergés. Plusieurs centaines de véhicules étaient restés immobilisés plusieurs jours sur les voies. Uber fait appel de sa condamnation. La société a écopé aujourd'hui d'une amende de 800 000 euros, la moitié avec sursis, pour son application Uber Pop qui organisait un service de transport entre particuliers. Uber Pop avait été suspendu en juillet dernier, il y a presque un an. La météo, demain, un temps pluvieux et orageux sur l'ouest du pays avec des averses attendues dans la matinée de la Bretagne au Pays Basque qui vont se décaler vers l'intérieur des terres au fil des heures. Ce sera plus sec à l'est, les températures de 9 à 18 degrés demain matin, de 19 à 28 l'après-midi du nord-ouest à la Corse. Il est 17h03, vous écoutez RTL et c'est le moment du retour de vos grosses têtes, toujours avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Chantal Latsou, Christina Cordula, Stevie Boulet, Walidia, Florian Gazan et Pierre Bénichou. Et Laurence. Quoi, Laurence? Bah, et Laurence? La dame du public. Laurence, la jolie blonde avec le pantalon sable. Elle a un joli sourire, le pantalon sable tellement serré. Elle a des jambes. Pierre, c'est un attentat. À la pudeur. Oh là là. Enfin, c'est plus de votre âge, Pierre. Eh ben, justement. La chair qui ne peut plus se souvient. C'est pas de moi, c'est de François Mauriac. Méfiez-vous quand même, mademoiselle. Il dit ça, mais ça peut vivre. Ouais. J'ai une bonne mémoire. Une question, j'enchaîne, pour monsieur Jean Romboutz, qui habite à Oudang-Emery, c'est en Belgique, qui a déclaré en 2002, alors qu'il a décidé de tout revendre, « J'ai pété les plombs, je n'avais pas choisi ce métier pour gérer des problèmes de toilettes bouchées. » Il est français ? Ah, il est français, oui. Donc, il avait acheté des restaurants, des hôtels? Des restaurants, des hôtels, non. Toilettes bouchées, donc c'était quoi? Il faut trouver où étaient ces toilettes bouchées. Dans des avions? Dans des hôtels? Non. En 2002, il n'y a pas si longtemps. Non. Il y a 14 ans, vous voyez, c'est pas c'est si pas vieux. C'est pas si vieux. Non. Il est mort aujourd'hui? Ah non, il vit bien. Il est très heureux, il vit c'était bien. C'était pas... Ah, Bernard Tapie? Bernard Tapie, non. Il a bien fait de revendre, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut plus rien? Non, c'est pas ça, c'est qu'il fait autre chose, vous voyez. C'est un artiste? Un artiste, certains vous diront pas tout à fait, mais d'autres vous diront oui. Oh. Donc il n'est pas dans le divertissement, si vous dites un artiste, c'est une forme d'artiste. Non, il est dans le divertissement, oui. Il est chanteur? Et chanteur, pas tout à fait. Humoriste, non. Compositeur? David Guetta. David Guetta, bonne réponse de DJ Benichou. Ah bon? Ah oui. Ah mais oui, les bains douches, les restaurants. Voilà, il en avait marre. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il a vendu? Eh ben, il a vendu à l'époque toutes ses parts des différentes discothèques dont il était actionnaire. En effet, il avait avec sa femme des actions au bain douche, mais aussi au Pink Paradise, au Sweet Bar, restaurant Tangia. Et à l'époque, il dirigeait tout ça et il a préféré se lancer définitivement dans la musique ou dans la production. C'est pas mauvais. Plutôt que de gérer les problèmes de toilettes bouchées. Ah, il a raison. Il a même revendu sa femme, c'est pour vous dire. Et c'est vrai que David Guetta, ce soir, sera sous la Tour Eiffel. Juste à côté de chez moi. C'est ce qui est terrible, parce que vous savez que les problèmes de toilettes bouchées, c'est absolument une chose affreuse pour les patrons de boîtes de nuit. Ah oui. Surtout pour notre ami, enfin mon ami, en tout cas, celui qui est en bleu, là, comment il s'appelle? Michou. Bah, c'est ton ami. Michou. Celui qui est c'est en même bleu. Plus qu'un ami, c'est une relation, on peut dire. Hein. C'est sa sœur. Bah oui, Pierre Bémichou. On l'appelle la Bémichou. Bah oui, Bémichou. Non, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Allez-y. C'est que, il n'y a que des travestis. Il n'y a que des hommes habillés en femmes. Oui, chez Michou. Chez Michou. Et un jour, il y a un des travelots qui a amené une copine à elle. On dit pas travelot, on dit transformiste dans ces cas-là, monsieur Bénichou. Oui, car c'est une profession, ce n'est pas... Ah oui. Oui, d'accord. Ah, tu connais mieux que moi, mais en fait, quand même, pas bon, du tout. Ben, moi, j'y suis jamais allé chez Michou. Oh. C'est génial, chez Michou. Non, c'est génial. C'est très, très bien. Et un jour, il y a un type qui est arrivé. J'y ai travaillé, mais... Ah, je reconnais Barbara. Pas du tout, enfin voyons. Avec quelqu'un qui a fait un numéro absolument formidable. C'est fantastique, il dit, mais je vous engage. Il a dit, mais il y a qu'un souci, c'est que je suis une femme. Il a dit, qu'est-ce que ça peut faire? On ne le dira pas. Et ça a commencé, et elle avait autant de succès que les autres transformistes. Et puis ça s'est su, et les autres ont dit, on ne veut pas qu'il y ait une fendue qui vienne... C'est comme ça qu'elle disait. Elle était bourguignonne. Ouais, ouais. on veut pas qu'il partage nos toilettes. Alors il dit, bon d'accord, je vais voir. Il a fait appeler son architecte, son plombier, son machin. Ça a coûté une fortune. Il fallait supprimer 4 tables. Il fallait, enfin je veux dire, c'était un problème absolument terrible. Alors il a supplié les filles. Il a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous... Enfin les transformistes. Qui ont dit, pas du tout, pas du tout. En plus, elle avait plus de succès qu'eux. Ils l'ont tellement fait chier qu'il était obligé de virer la fille pour un problème de toilette que dont les transformistes ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des toilettes pour hommes, donc, où une femme pouvait aller alors qu'elles étaient habillées en femme. Mais ta sœur, elle a reçu le monde entier. Parce que c'est pas ma sœur. Mais non. Mais non, mais chez Michou. Celle qui croit que je passe une radio aujourd'hui. Ouais, chez Michou, il y a des portraits quand on arrive, il y a des cadres partout, mais la terre c'est entière mythique, a défilé mythique. Chez Chantal Michou. Chantal Latsou, je vous signale, oui. A son travesti, son transformiste, ouais. Chez Michou. Et moi, je vais dans les chiottes des mecs. Hein. Ah oui. Non, mais comment il s'appelle celui qui fait ça? Oscar. Oscar. Oscar, il est formidable. Et puis, il a une Dalida aussi incroyable. Ah bah, le mec, il a la même voix que Dalida. Bah, c'est la, je crois que c'est la vraie. Mais il la bouge avec des ficelles. Encore un coup d'Orlando. En tout cas, ça va faire plaisir à David Guetta quand il compare à Michou. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Géant. Un esprit de liberté souffle sur votre budget. C'est le festival Vidstock chez Géant, avec des offres Peace and Love. Jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 30% sur une sélection de consoles de jeux. À vous la Xbox ou la PS4 à prix super cool. Rendez-vous vite dans votre Géant. Les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions en magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Agnès, oui. Chez Gélimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. Le lot de 2 armoires de garage Space Winner est à 59,95€. Pas Space Winner, Bernard. Space Winner, avec l'accent. Oui, bah avec ou sans accent, ça reste des armoires, non? Yes, you're right, Bernard. Oh, Gélimat, matériaux et bricolage. RTL. 17h10 sur RTL, nous retrouvons Dominique Cordier. Dominique, bonjour. Je vous emmène à Vichy aujourd'hui pour les courses. Exactement, avec la fin des courses, c'est terminé là-bas. La victoire de la 6e pour le 7, Cristal du Gîte, 2,30€, 1,60€. 2e, le 11, Bicerius, 9,50€. 3e, l'As, Calin de Morges, 2,20€. C'est le 5, Calas du Bouffet qui prend la 4e place à 6,1€. La 7e et dernière course, la victoire pour le 12, Avric de Gaze, 5,90€, 2,20€. 2e, le 11, Haribo Mix, 9,20€. 3e, le 8, Ange Carlane, 2,20€. C'est le 4 à Brogny-Aranaise qui prend la 4e place à la cote de 54,1€. Et à Vichy, c'est terminé. On rappellera quand même la bonne arrivée du Quinté Plus dans laquelle il fallait jouer en début de réunion le 4, le 8, l'As, le 5 et le 18. Dominique, pour demain, un cheval, s'il vous plaît. Demain, nous serons à Vincennes dans la première course avec un quinté de trotteurs. On est sur la grande piste, sur le même parcours que celui du Prix d'Amérique et vous jouerez, ma chère amie, oui. Le 9, Pancotinabar. Je le note, le 9 pour demain. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grossettes avec aujourd'hui, je vous le rappelle, la première de Walid Dia. Non, franchement, comparer Michou à David Guetta. Mais monsieur... non, mais Michou, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est bien fort. Bien sûr. Michou, il est connu qu'à Montmartre, alors David mais Guetta. Mais non, ah, il est connu mondialement. S'il va fêter ses 60 ans. Mais non, il n'est pas connu mondialement dans le 18e. Enfin, oui. Arrêtez vos conneries. David Guetta est connu mondialement. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, David Guetta. Oh, mais enfin, écoutez, vous. David Guetta s'oubliera très vite. Non, mais enfin, j'ai vraiment. Michou, il s'oublie déjà. Non, non, je suis d'accord avec Benichou. Mais enfin, je suis vraiment entouré de. Pourquoi les mettre en opposition? Michou, c'est Michou, David, c'est David, ils représentent tous les deux là. il en faut pour tous les goûts, hein. Non, mais ils sont Michou et David Guetta, ils sont répartis le monde. Michou, il a pris le 18e et Guetta le reste. Mais oui, c'est pas nous qui les comparons, c'est monsieur Pierre Benichou qui ose d'un seul coup comparer une vedette internationale qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est quand même lui qui a... Et par exemple, ils ont pas choisi Michou pour ouvrir l'Euro 2016. Et pourtant, il a fait la première partie, je crois. Il aurait été bien le slogan tous derrière le bleu. Ah non, vraiment, là, c'est pas possible. Là, j'en entends des trucs ici. Oh là là. Tu peux tout louer ton appartement ce soir pour le concert, par exemple. Ben, je vais peut-être faire supprimer le concert. Un coup de téléphone à Michou et il arrête tout. Non, mais c'est vraiment près de chez vous. Vous habitez près de la Tour Eiffel, monsieur Pierre. J'habite la Tour Eiffel. Pour Zlatan Ibrahimovic. Bon, je passe à une autre question, hein, puisque là, je sens vraiment qu'on ne tirera rien de vous. Une question pour Adeline Visor, qui habite Grincourt, dans le Pas-de-Calais. On a tenté de joindre Albert Ardisson, mais il ne souhaite pas parler et revenir là-dessus. Mais revenir sur quoi ? Rien à voir avec Ardisson. Rien à voir avec Thierry Ardisson, non. Ouais. Est-ce que c'est une histoire dont on fête l'anniversaire ou qui est liée à un événement genre à l'Euro, par exemple ? À l'Euro, non. C'est lié effectivement à une célébration. Un samedi soir chez Michou ? Non. célébration qui aura lieu quand, ce week-end ? Ce week-end, pas tout à fait ce week-end. La semaine prochaine, on va beaucoup en parler, c'est vrai. C'est quelque chose de positif ? Bah, on peut pas dire. Non, c'est autrement, vous savez, il aurait certainement accepté de nous parler, monsieur Ardisson. Bah non, il est peut-être C'est pas modeste. La fête de la musique. Non, du tout. Ah, il a tué quelqu'un, lui aussi ? Exact, monsieur Stein. Ah, il a tué le frère d'Ivan Hébrov quand il a appris qu'il avait tué Saint-Exupéry. Oui, alors écoutez, c'est involontaire de ma part, mais c'est vrai que dans la première heure des grosses têtes aujourd'hui, on a appris que le frère d'Ivan Hébrov avait tué Saint-Exupéry. Enfin, c'est lui en tout cas qui a tiré sur l'avion. Et là, je vous parle d'Albert Ardisson qui refuse, il vit encore, hein, Albert Ardisson, il refuse en revanche de revenir sur quoi ? Effectivement, il a tué quelqu'un. Enfin, il a tué quelqu'un, c'est un peu injuste de dire ça. Il a participé. Participer, ce n'est pas le mot. Donc mais c'est un anniversaire de la mort de quelqu'un la semaine prochaine. Exact. C'est l'ancien PDG d'EDF pour la mort de Claude François. Ouf. il est pas mort au mois de juin. Je vous rappelle qu'on a son filleul ici. Pardon mon chéri. Oh, comment va ton parrain ? Bah non, il est mort. Écoute, en ce moment, il est assez survolté. Il va revenir en hologramme. Ah, oh, ça, c'est un truc insensé. Albert Ardisson. C'est vrai que Claude François, c'est ton parrain ? Mais oui, ma chérie. Arrête, ça va pas. Dès qu'on est là, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Mais tu dois être fier. Ah oui ? Je savais pas. Comment c'était la chanson ? Quand tout sourit, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales. Oui, allez, tous ensemble du carnaval. On s'en va, allez, on s'en va. Ah, dis donc, c'est bien, hein, franchement. Hein. Ouais. On sent le filleul. Hein. Ah, mais c'était un chanteur. Mais pas sur le même secteur, mais on sent le filleul. C'était un artiste qui l'a tué ou... Il a tué un artiste, oui, c'est vrai. Oh, ça va vite, là. On la va quand même pas encore donner 300 euros. C'est une histoire euros. D'euthanasie. D'euthanasie, non. Un pain. Est-ce qu'on pourrait savoir à quelle époque remonte ? Ah bah non, là ça serait trop facile. Dali, non. Albert Ardisson vit encore. Déjà c'est une indication. Donc vous voyez, il est très âgé. Il a pas tué Henri IV. Vous voyez, non. Albert Ardisson. Donc, ah bon, non, déjà on peut enlever Henri IV. et ce matin on a même essayé de le joindre parce qu'il a, peut-être 77, 78 ans aujourd'hui. Et Albert Ardisson, eh bien, a refusé de parler. Je le comprends. C'est pas dans la Seconde Guerre mondiale que ça s'est passé ? Pas du tout. Après ? Non, ah bah oui, après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60 ? Non. Oh, mais ça va vite, ça va très très vite. Hein. 300 euros hein. Pour Madame Visor Adeline qui habite Grincourt. Non, attendez. C'est les 24 heures du Mans. Pas du tout, mais on se rapproche un peu en quelque sorte. Ah, James Dean ! Mais non, non. Albert Ardisson est celui qui conduisait le fameux camion. Ah, Coluche. Contre lequel Coluche s'est encastré avec sa moto. L'homme qui conduisait le camion qui a percuté Coluche. En juin 1986, il y a quand même bien un anniversaire, triste anniversaire qu'on va célébrer à partir de la semaine prochaine, c'est celui-là. C'était le 19 juin 1986, précisément, que ce putain de camion, comme l'a appelé Renault, ce putain de camion a percuté Coluche.

Non, c'est le nom de mon mari. Vous avez épousé un monsieur Pigeon, alors? Oui. Ça vous a fait hésiter ou pas? Pas du tout. Non, c'est vrai. Ah, faut-il l'aimer? Alors, vous roucouliez avec lui depuis longtemps? Sans doute. Blandine, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes à l'hôtel Beau Rivage. Magnifique hôtel, face au lac de Gérardmer dans les Vosges. Un beau bâtiment, style années 50, avec des grands volumes, confortables. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, beaurivagehotel.fr. Je suis sûr que vous êtes déjà dessus, Blandine, non? Pas du tout. Vous gardez l'ordinateur prêt pour la question, j'imagine, plutôt? Éventuellement, oui. Éventuellement. Il s'agit d'une phrase prononcée par quelqu'un. C'est dans l'hebdomadaire Le Point que j'ai trouvé cette phrase. Il s'agit de retrouver qui a dit ça. C'est une citation d'actualité. Qui a dit « Je suis né dans un pays musulman. Je suis marié avec le fils d'un chanteur yiddish. Et ma fille va à l'école catholique. Pourquoi Macron serait-il plus crédible que moi ?» Grand silence, même du côté des grosses têtes qui n'ont pas la réponse. Ça vous laisse une chance, Blandine. C'est une femme, alors? C'est une femme qui a dit ça. Oui. Bravo. Oui, oui, oui. Comment vous avez deviné que c'était une femme? Parce que je suis mariée au fils d'un chanteur yiddish. Rachida Dati? Rachida Dati, non. C'est quelqu'un, c'est un truc avec les grèves, non? Ça n'a rien à voir avec les grèves. C'est une politique aussi. C'est quelqu'un qui est dans la politique, évidemment, puisque elle dit, c'est une femme, vous l'avez compris, pourquoi Macron serait-il plus crédible que moi? Kosciusko? Kosciusko Morizet, non. Omri? Qui ça? El Khomri. La corrida avec les grévistes, El Khomri. C'est pas madame El Khomri. Najat Vallaud-Belkacem? Najat Vallaud-Belkacem non plus. Blandine, il en reste plus beaucoup des femmes. Ramayad? Ramayad, c'est gagné, c'est Ramayad. Eh oui. Rappelez-vous qu'elle est candidate à l'Élysée, personne n'en parle, mais... Elle a oublié, je crois. Mais justement, là, dans Le Point, cette semaine, elle le rappelle sur plusieurs pages qu'elle vise l'Élysée Ramayad, et c'est vrai qu'elle dit, après tout, Macron est crédible, pourquoi pas moi? Et elle rappelle qu'elle est née dans un pays musulman, mariée avec le fils d'un chanteur yiddish. C'est d'ailleurs son mari qui, je crois, a eu l'idée de faire venir Black M à Verdun. Et sa fille va à l'école catholique à Ramayad, ça lui donne plein de raisons pour être candidate, bien sûr, n'est-ce pas? Elle est jolie en plus. Elle est très belle. C'est la plus jolie des candidates. C'est quand même la ministre du fond de teint, Ramayad. Comment ça, la ministre du fond de teint? Il y a une couche de cuir. Oh non, c'est naturel. Il y a des gens qui naissent comme ça. Je connais ces gens. Non, moi, enfin, j'ai plus la rencontre. Et alors, elle a une belle base, chérie. Non, maquillée comment? Maquillée à base de coups de tête dans le pot de fond de teint, je pense. Oui, non, mais quel est le problème? Elle est belle quand même. Oui, c'est très beau. Parce que les filles qui ne sont pas belles, tu peux mettre 10 couches de fond de teint, ça ne va rien faire. Eh bien, alors, tu n'as plus de boulot, toi. Elle a quand même pas. Donc, toi, Wally, tu n'aimes pas son fond de teint? C'est pas que j'aime pas, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, nous sommes en démocratie du front de teint, mais... Tu lui as déjà fait la bise? Et à part... Bah, je lui ai déjà fait la bise, j'ai bronzé, ouais. Donc du coup, c'était pas bon. Tu ressemblais à un cours de Roland-Garros, ça peut? Ouais, c'est ça, j'avais l'impression d'avoir deux joues comme ça, mais c'est rien, hein, ce n'est qu'un détail esthétique et ça ne remet pas en cause sa politique. Non, mais elle a quand même une silhouette. Oh, elle est magnifique! Presque aussi belle que toi. Elle a le corps en quoi, elle? Elle est sublime! Elle est en Y ou en M? Ce Christine Boutin est en Q. Je pense qu'elle est plutôt en 8, chérie. Elle est en 8, d'accord. Elle est en 8, ça veut dire quoi en 8? D'un beau 8, elle a une taille marquée avec, tu vois, épaules et hanches de la même taille et la taille légèrement marquée, ça fait en 8 comme ça. C'est Pierre Bénichou, il est en quoi, Pierre Bénichou? Il est en Z. Il est en 6. Il est en 6. En 18. En D. En deux. La mauvaise, elle est mauvaise. Tu veux que je te ferme le bois de Boulogne, toi, Christian? Il est en deux, il est en deux, toi t'es en Z. Mais c'est un compliment qu'elle vous faisait, monsieur. Alors bravo, merci beaucoup. Vous êtes toujours là, Blandine? Oui, je suis toujours là. Eh ben, écoutez, vous avez gagné, vous allez partir là-bas à l'hôtel Beau Rivage. Envoyez-nous une carte postale de Gérard Maire, on sera ravis. On vous embrasse, Blandine. Merci aux grosses têtes. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Sephora. Envie d'un teint allé sans soleil, d'un smoky de star sans tapis rouge, de sourcils parfaits, ce n'est plus un rêve. Rien que pour vous, le Make-up Bar Sephora, c'est gratuit et sans rendez-vous. Le maquillage que vous voulez, quand vous voulez, avec de super pros à votre dispo. Et maintenant, à vous de jouer. Sephora.

Bah, un petit peu quand même. Bonjour à tous. Bonjour, bah, parce ça va toi, j'ai fait le livre. Un petit peu Wikipédia. Hein, un petit peu. En plus, c'est marrant que tu parles, Laurent, du Pays de Galles, parce que pour moi, le Pays de Galles, ça peut être la bonne surprise de l'Euro, tu vois. Ah bon, comment ça? Vous pensez que le... Parce que c'est une équipe... Moi, je vous vois, monsieur Godin, attention. Ouais. Hein. Non, écoute, on fera le... On en reparlera le Ok, si tu veux, ouais. Mais je pense que le Pays de Galles, il n'y a pas grand monde qui connaît, à part Gareth Bale et Aaron Ramsey. Qui joue à Arsenal, mais ça sera la bonne surprise de Laurent. Laurent, quand Pierre. Quelqu'un vous tutoie et qu'on ne veut pas qu'il vous tutoie, on fait le truc intermédiaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il en est sûr? Rodolphe Godin fait partie de notre équipe sur d'autres antennes. Voilà pourquoi il nous connaît si bien. Souvenez-vous, il avait un casou. Il était marrant, je me souviens de lui, très bien. Quel foqué. Et Rodolphe Godin, vous le voyez sur le bord du terrain quand. Ce qui est rare, France Télévisions, mais c'est le cas pour la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, quand France Télévisions diffuse des matchs sur France 2 ou France 3, et puis ça nous permet d'éviter Daniel Auclert, ce qui est pas si... tant qu'il n'y a pas Daniel Hamel, je ne regarde pas. Hein. Parce que c'est très bizarre les matchs sur France Télévisions. Ah oui, pourquoi ? On a l'impression que c'est des matchs de 92. J'ai l'impression de voir une VHS. Hein. Ouais, c'est très bizarre, le terrain, on dirait que l'herbe elle est jaune, enfin c'est très bizarre. Et encore, toi t'as la couleur, toi. Et personne ne veut m'aider à trouver le gardien du Pays de Galles, vous en foutez en fait, vous me laissez dans mon... Alan Garris. D'où vous sortez ce nom-là, vous? Mais c'est le numéro 2, c'est le gardien numéro 2 de Alan Garris, il y a un palace. Je sais, non. Au Pays de Galles, il y a un rapport avec le champagne. Pardon? Il y a un rapport avec le champagne. Il y a un petit rapport avec le champagne. NC. Pardon? NC, il s'appelle. Il s'appelle bien NC. Bonne réponse de Florian Gazan. Pourquoi vous pensez que le Pays de Galles a ses chances alors que franchement on s'attendait pas à avoir une équipe galloise dans cet Euro 2016 Parce que c'est un groupe soudé, que c'est des joueurs qui sont aguerris à la Première Ligue, qui sont dans des bons clubs de Première Ligue. Et je pense que les équipes qui vont rencontrer le Pays de Galles ne vont pas forcément respecter comme il se doit cette équipe. Et qu'il y a toujours une surprise dans une grande compétition. Et que moi je pense que le Pays de Galles va faire une surprise. D'ailleurs, on pourrait les retrouver... Je sais pas si c'est en huitième ou en quart, parce qu'il faut quand même bien dire que pour la France, si on fait premier du groupe, c'est un boulevard jusqu'au demi. Mais le Pays de Galles, il y a des bons joueurs. Il n'y a pas que Gareth Bale, il n'y a pas que Ramsey. C'est des bons joueurs qui jouent dans des bons clubs. Il y a une scie dans les buts, en tout cas. Il paraît que c'est la faiblesse de l'équipe. Et le Pays de Galles doit affronter l'Angleterre, la Russie et la Slovaquie. Hein. C'est dans le groupe. C'est jouable. Dans le groupe B. Tandis que nous, juste un petit rappel, les Français, on est dans quel groupe? On doit gagner contre qui? Alors, la Roumanie. Ouais. C'est donc demain. L'Albanie, ensuite à Marseille. Et puis ensuite, ça sera le dernier match face aux Suisses. Les Suisses, l'équipe de Michel Platini. On avait battu. C'est plus que jouable. Ça s'appelle le guide Larousse de l'Euro 2016 pour suivre mieux les matchs à partir de demain. Merci Rodolphe Godin. Merci à vous tous. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. RTL. Gagnez plus. Vous êtes amateur de sensations fortes ou curieux de découvrir de nouvelles expériences? Tentez de gagner un séjour pour 4 personnes au Futuroscope en répondant à la question suivante. Quelle est la surface du lac sur lequel se produit chaque soir l'aquaféerie nocturne du Futuroscope? Rendez-vous vite sur futuroscope.com pour trouver la réponse et appelez le 3210, 34 centimes la minute. Bonne chance. C'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Le smoky des défilés n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue? À l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora. Au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou! Qui veut des choux? Choux! Mais ça, c'était avant. Chouchou! Qui veut des chouchous? Des bons chouchous! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Pendant ce temps, chez Renault... Vous en connaissez beaucoup des endroits branchés avec 5 portes. Voici Twingo, branché et même connecté avec mon smartphone et l'application Erengo. Renault Twingo est à partir de 129 euros par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Nous savons que les cambrioleurs font du repérage avant d'agir et qu'ils savent où chercher vos biens les plus chers. Nous savons qu'après un cambriolage, on ne se sent plus en sécurité dans sa propre maison. Mais chez Vérissure, votre sécurité est notre métier. Nos milliers d'agents veillent jour et nuit et savent réagir en quelques secondes pour protéger votre maison et ceux que vous aimez. Protégez ce qui compte pour vous avec une alarme télésurveillée Vérissure par Securitas Direct. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr. Géant, un esprit de liberté souffle sur votre budget. C'est le festival Vidstock chez Géant avec des offres Peace and Love. Jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 20% sur le mobilier de jardin et les piscines tubulaires rondes Intex. À vous les articles plein air à prix super cool. Rendez-vous vite dans votre Géant. Les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, bah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95 € seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Électro, dépôt. Tout le sport en haute définition, c'est électro-possible. Chez Electro-Dépôt, le téléviseur connecté HD 80 cm Edenwood garantie 2 ans est à 179,84 €. Electro, dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation d'1 euro. Electro-Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. La Bourse en direct sur RTL en partenariat avec Les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, les boursiers continuent à jouer la prudence. Eh oui Isabelle, le CAC recule à nouveau. Aujourd'hui, moins 1%, 4405 points. En fait, les prises de bénéfices l'emportent aussi à Wall Street en ce moment, alors que le Dow Jones s'était rapproché hier de son dernier record historique. Les boursiers qui ont en ligne de mire un éventuel Brexit, une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, et qui n'ont pas de calendrier précis sur la prochaine hausse des taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine, eh bien ces boursiers sont un peu dans le brouillard en ce moment. En plus, la période qui n'avait pas cessé qui n'avait pas cessé de grimper depuis le début de la semaine, eh bien il recule très très peu aujourd'hui, à 52,10 $ contre 52,83 $, mais ça suffit pour inquiéter les boursiers et faire des prises de bénéfices sur les valeurs pétrolières. C'est GG, moins 9%, Vallourec, moins 6%, Technip, moins 3%. Bon, c'est vrai, ces valeurs avaient beaucoup grimpé ces derniers jours. On a aussi Accor qui abandonne 1,4% après un abaissement de recommandation de la part de Crédit Suisse, et Rémy Cointreau qui recule de 2%. Le marché n'a pas été très content des résultats du groupe qui ont été publiés ce matin. À l'inverse, on a Ingenico qui se redresse après sa forte chute d'hier, moins 7%. Aujourd'hui, il regagne 2%. Et Capgemini qui profite d'un relèvement de recommandation, le titre prend 0,7%. On se retrouve demain, Isabelle. Avec bonne grand soirée. Plaisir, bonne soirée à vous, Sylvie. Suite des grossettes avec Laurent Ruquier et des citations. Une citation pour Marine Fromentin, qui habite Villeneuve-d'Ascq, qui a dit « Un expert est un homme qui en sait de plus en plus sur de moins en moins de choses. » Lavoisier ? Lavoisier, non. C'est mort ? C'est quelqu'un qui est mort, oui, ça je vous le confirme. Il y a longtemps ? Ah oui, un petit moment, il est mort en 1897. Ah, ça fait un petit moment. Ça fait une paye, ouais. Quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, mais dont le nom, je dois dire, est revenu à la mode grâce à nous. Vous faites des trucs sur les gens vivants bon, des fois où le chanteur de la trompette. Le chanteur de la trompette, oui, qu'est-ce que c'est quoi, ça c'est qui ton chanteur? Non, c'était un chansonnier, ça c'est vrai, Montmartrois. Et c'est vrai qu'on a un peu réhabilité son œuvre et son nom à ce chansonnier qui était aussi responsable d'un journal, un poète. Il avait créé le Tintamarre comme journal. Il avait un nom comique ? Ah, il a un nom assez amusant, ça c'est vrai, vous avez raison de le dire. Un expert, c'est un homme qui en sait de plus en plus sur de moins en moins de choses. Triboulet. Triboulet, non. C'est comme ça, c'est un nom unique ? Non, non, non, un nom, un prénom. Ouais. Une double initiale qui porte généralement bonheur, vous le savez, comme Michel Morgan, Brigitte Bardot, ah oui, d'accord. Claudia Cardinal, Pierre Bénichou. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ils me font plus marrer du tout. Alors attendez. Double initiale. Une double initiale. Double initiale. Voilà. Daniel Darieux ? Non, non, non, mais là je vous parle d'un chansonnier, un poète, Montmartrois. Michou Michou. Michou Michou. Non. C'est à lui qu'on doit aussi la fameuse phrase, je vais vous la rappeler, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Ah oui, bah oui. Ah. Il a fait une pub pour le pain d'épices ? Ouf ! En 1800, oui, bien sûr. Elle est mignonne. C'est bien, il fait ses auto-commentaires. Vous êtes toujours là, Chantal, là, sous vous, me recevez ? Mickey Mouse ? Pardon ? Mickey Mouse ? Mickey Mouse. C'est pas Raoul Ponchon, c'est l'autre. Ah, c'est pas Raoul Ponchon. Raoul Ponchon, c'est celui à qui on doit. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Ce qui n'a rien à voir avec avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est con, je me suis rappelé du mauvais. Et il vous reste 30 secondes pour le retrouver. Je crois qu'on va établir, non pas un record, Chouchi. Parce que... Comment vous dites ? Chouï. Sushi. Jules Jouy. Jules Jouy. Oh non, mais elle a triché, Chantal. Non, Jules Jouy. Jouy. Elle a triché ou pas ? Jouy. Non, mais est-ce qu'elle a triché ? Non, je veux. Oh bah non, je sais qu'il y avait Jouy dedans. Il y a un monsieur qui dit oui, elle a triché. Vous avez triché, ah bon, Chantal, ou pas ? Je vois rien. Mais vous avez cherché à tricher. J'ai cherché à tricher. C'est-à-dire que vous avez vu oui. Voilà. Et si vous n'aviez pas dit ça, il n'aurait pas dit Jules Jouy. Voilà, donc c'est à deux. Voilà. Moi, j'ai pas triché, mais non. Mais non, ça combine. Hein. Non, Chantal. Chantal. Comment tu mets Chantal, sois juste, c'est à trois. Lui qui l'avait écrit. Non, on va accorder 300 euros à notre auditeur, car je n'aime pas qu'on triche, Chantal. Je sais, là-dessous. Vous n'aimez pas ça, oui. Mais non, parce que c'est pas bien. Je ne le ferai plus. L'auditeur va perdre 300 euros. En même temps, je m'en fous qu'il perde 300 euros. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais comment savez-vous qu'elle a triché ? Où elle trouve le nom ? Elle regarde bien sur mes fiches et elle le donne en entier. Mais comme j'ai vu que d'un seul coup, elle a dit oui, oui, c'est bizarre quand même qu'elle trouve que la moitié du nom et puis surtout sans même l'initiale. Jules Jouy. Et c'est vrai que si elle n'avait pas dit oui, je ne suis pas sûr que ça serait revenu à Florian Gazan. Vous êtes honnête, Florian ? Ça ne serait pas revenu. 300 euros pour Madame Fromentin. C'était bien Jules Jouy. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Avec Benjamin qui déjeune en famille pour la fête des pères. Et c'est le moment pour lui d'offrir son cadeau. Suspense. Mais regardez, c'est une carte cadeau Décathlon. Superbe. À utiliser en une ou plusieurs fois en magasin ou sur Décathlon.fr. Et d'ailleurs, le papa tend la main et son fils tape dedans, c'est un check. Oh, mérité. Pour la fête des pères, pensez à la carte cadeau Décathlon d'une valeur de 10 à 250 euros. Décathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur Décathlon.fr. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors, Muriel et Philippe, c'est quoi vos petites manies ? Moi, j'adore les voyages. Et moi, les économies. Et quand j'achète la lessive Supercroix Bora Bora, je respire l'étiquette et je m'envole pour les îles. Et moi, je nage dans le bonheur parce que la deuxième est gratuite. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une boîte de 20 capsules Supercroix Bora Bora, la deuxième est à 0€ au lieu de 5,99€. Casinomania, c'est parti pour un mois de folie. Avec Casino, prenez goût aux économies. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des cloisons conformes aux normes acoustiques des écoles ou des hôpitaux. C'est signé Signat. Cloisons, plafonds, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Sophie, voulez-vous prendre Philippe pour époux? Retour de l'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, les 4 éclairs chocolat ou café sont à 1,60€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 280 grammes soit 5,71€ le kilo, transformé en France, offre valable dans les magasins équipés d'un terminal de cuisson. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Êtes-vous prêt pour les indices du jour ? RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Heureux de vous recevoir et je suis sûr mes grosses têtes, quand ils sauront que vous êtes là, seront ravis aussi. Mais pour l'instant, évidemment, pardonnez-leur, ils ne savent pas, ou elles, mes grosses têtes, ne savent pas qui vous êtes. Vous allez bien d'abord ? Très bien, merci. Vous êtes une femme ? Oui. Vous êtes la voix dans Enquête exclusive ? En général, c'est vous. C'est vous qu'on entend. Ah. C'est vrai que ça ressemble. Il a raison, Wally. Vous êtes fossilisé ? Non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça là ? Ça veut dire quoi ? Fossile. Ah ! Ah, oh, bah dis donc. Fossilisé. Oh, ça n'a rien à voir. C'est Chemichou qu'on dit ça. Je suis venu, je n'étais même pas fossilisé. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Qui sont plus vieux que vous ? Enfin, je veux dire qu'ils sont... Non mais... elle est plus étanche. Ah, non, mais je te jure. Il va falloir la passer au contrôle technique. Hein. Il y a un certain âge, je voulais dire. Allô ? Oui. elle n'est pas au téléphone. Non, ils sont petits. Mais laissez-la répondre, j'ai pas entendu. Ils sont petits, ils sont jeunes, ces enfants. Ah, tout petit, d'accord. Est-ce que vous avez Netflix ? Non. Mais pourquoi cette question, chérie ? Parce que ça indique. Ah bon ? Bah oui, moi, si elle a pas Netflix, ça veut dire qu'elle est un peu hors système, quoi. Non, je plaisante. C'est quoi Netflix ? C'est un truc. Netflix. Le matin au petit déjeuner, je prends toujours Netflix. Un bon bol de Netflix. Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes sophistiqué ou plutôt nature ? Nature. Voici un premier indice musical. La fleur de peau glisse des mots. Quand sur tes lèvres glisse ma peau. Quand sur mes lèvres glisse ta peau. Au pain de Jess. Au bar de Jess. Au bar de Jess. Ah, si vous saviez qui chante au bar de Jess, ça pourrait vous aider énormément, évidemment. Vous l'avez reconnu, invité mystère ? Bien sûr. Bien sûr. Il a une voix très sexy, en mais vous cas. Ne dites rien, mes vous camarades avez... grosses têtes cherchent. Vous écrivez des chansons ? Oui. Ah ! Donc vous êtes une chanteuse, hein ? Oui. Pas seulement. Attention, ne partons pas sur une mauvaise voie. Elle est chanteuse aussi. On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Actrice en même temps, actrice. Oui. Est-ce que vous jouez une héroïne récurrente ? Oui. Voici un deuxième indice musical. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Ça, c'est quand même un très bon indice, invité, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, oui. Vous avez joué Candy ? Mais non, elle n'a pas joué Candy. Vous étiez la voix de Candy ? Non. Vous mangez du sucre Candy ? Non plus. Vous n'étiez pas dans le Club Dorothée ? J'étais invité du Club Dorothée. Ah, vous n'êtes pas une amie de ma mère ? Est-ce qu'on vous connaît en dehors de la France ? Oui. Voici un autre indice. Ah. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé. Doucement sur la plage, par un baiser. Stevie Boulet. TV a déjà trouvé notre invité mystère. Il est heureux comme un fou. Ça ne m'étonne pas. Florian Gazan, en revanche, propose Véronique Jeannot. Vous n'êtes pas Véronique Jeannot ? Non. Elle nous a posé un lapin. Alors... Tiens, prends celle-là. Oh ouais. Mais non, c'est pas vrai. Ah, ça, elle est bonne. Non, c'était pour les jeux de mots. Elle est bonne. Mais quel est con. Jeannot lapin, voyez, Chantal. J'avais pas compris, d'accord, oui. D'accord. Voici un autre indice. Premier baiser. Premier amour, un beau jour qui vient vous emporter. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Ah, évidemment, tous les jeunes ont enfin identifié notre invité mystère. Walidia vous a trouvé, Florian Gazan aussi. Christina Cordula, bon, elle a une excuse, peut-être qu'elle ne vous connaît pas très bien. Elle était oppressée, là. Quand est-ce que Chantal là. Ah, même Chantal là-dessous. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Chantal. Ah, ben, j'en reviens pas, dis donc, alors. Oui. Vous n'avez pas un revolver que je me suicide. Nos grosses têtes vont évidemment tout de suite vous donner le nom de notre invité mystère qui va nous rejoindre. C'est Hélène Rollès. Hélène Rollès, évidemment, d'Hélène et les garçons. Les grosses têtes sur RTL. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive galop de 75 centilitres est à seulement 3,37€. 3,37€. Intermarché, tous unis contre la vichère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur Intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Juste quelqu'un de bien. Mon opticien Toll sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il m'a proposé une seconde paire avec des verres solaires à ma vue. C'est vraiment utile. Et moi, j'hésitais entre deux montures de marque. À ce prix-là, j'ai pris les deux. Et oui, en ce moment chez Atoll les opticiens, quelle que soit votre vue, votre deuxième paire est à moitié prix. Même avec un traitement sur vos verres et avec une monture de marque. Les lunettes, c'est votre look et surtout votre confort visuel. Dispositif médical offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990€, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990€. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toute l'info tout à l'heure à 18h avec RTL Soir, présenté par Marc-Olivier Fogel, qui recevra notamment à 18h35 Alain Giresse, Robert Pires, Marian Wilewski, trois générations de joueurs qui ont joué un euro. Pour l'heure, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes, bien sûr, et l'invité mystère. Hélène Rollès, c'était notre invité mystère. Eh oui. C'était quand même très très facile, puisqu'on a entendu Cri-Cri d'amour chanté au bar de jazz. Voilà, c'était Sébastien Roch qui chantait Dernier baiser, c'était pour faire évidemment allusion. Premier baiser. Non, non, d'abord Dernier baiser, Laurent Voulzy. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé, hein, je demandais en coulisses. Eh oui, la chanson de Laurent Voulzy s'appelait Dernier baiser. D'accord, ok. Pour faire allusion évidemment à Premier baiser qu'on a ensuite entendu. On a eu les deux indices, chère Hélène, je vous explique les indices. Ben oui. Et puis Candy, parce que vous avez chanté tout simplement vous aussi la ballade de Candy. Candy, Candy, car au fond de ton cœur. Candy, Candy, l'espoir d'un grand bonheur. Ah, arrive, on est arrivé. Candy, Candy, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Pierre? Mais c'est terrible quand on ne l'ait pas trouvé, parce que j'adore. C'est pas du tout ce que vous disiez. Je ne suis pas Verlaine, mais je te dis quand même que je t'aime, Hélène. Julien Clerc. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ah, voilà, toutou, voilà. Comment ça va, Parsin? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait après le spectacle? Et pour l'instant, il n'y a pas de spectacle, mais un album que je vais d'ailleurs glisser dans la valise RTL. Ah. Vous savez que la valise RTL a été gagnée tout à l'heure. Je n'ai pas ajouté une nouvelle somme d'argent. Je vais ajouter 1004 euros dans la valise. 1004 euros et l'album d'Hélène avec, par exemple, sur cet album, la chanson « Effacer le passé ». Je t'ai laissé partir, sans un mot, sans rien dire, sans même te retenir. Oh oui, un jour, je n'ai pas su trouver quelques mots qui auraient peut-être tout changé. Si je pouvais effacer le passé. Et voilà, si je pouvais effacer le passé. Mais en tout cas, on ne l'a pas effacé le passé parce que mes camarades, quand même, vous ont trouvé assez rapidement, je dois dire. Ah, oui. Le premier étant Stevie. Moi, j'étais sûr que ça allait être Stevie. Mais Hélène, pour les gens de ma génération, enfin, on a tous regardé Hélène et les garçons, Premier baiser, où j'ai joué la sœur de Justine. Et ses chansons. Hélène, je crois que c'est avec Dorothée, la recordman des Bercy. On se rend pas compte, mais c'était quelque chose de colossal. Pour les gens de ma génération, Hélène, c'était quelque chose d'incroyable. Oui, et puis la dernière fois que j'ai vu, elle était dans le TGV, elle allait en Chine. Non, sans rire. Mais non, mais elle allait en Chine. Elle allait en Chine en TGV. Mais non, arrêtez. Le Mans Paris, elle allait en Chine. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais Hélène, elle est connue dans le monde entier. Bah, oui. Un peu comme Michou. vous rigolez, Laurent, mais elle est plus connue que vous. Hein. Mais moi, je ne savais pas que vous jouiez encore dans des séries aujourd'hui, Hélène. Si, les mystères de l'amour, tous les week-ends sur TMC. Ça alors, je ne savais pas. Donc, il y a des nouveaux épisodes. Depuis 5 ans, on a fait le 300e épisode il n'y a pas longtemps. Les mystères de l'amour. Hélène et les vieux garçons. Saison 13. Hélène et les vieux garçons. Non, mais alors, vous ne pouvez plus jouer une gamine de 15 ans quand même. Non, la série, j'ai des enfants. Ça a évolué. C'est pas vrai. Mais vous les avez eu à quel âge? Mais il y a tout le monde. Il y a Nicolas? Oui, il y a tout le monde. En tout cas, ce qui compte pour vous, et c'était aussi l'objet de votre visite aux grosses têtes, c'est cet album, un nouvel album d'Hélène avec le premier single, Effacer le passé. Oui. Merci d'être venu aux grosses têtes. Mais c'est moi qui vous remercie. Hélène. Et n'oubliez pas, le disque est dans la valise avec les 1004 euros. Avec les téléphones et smartphones d'Euro, échangez avec vos proches, partagez vos photos ou trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Euro sur d'euro.fr. RTL, toujours avec vous. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime. Tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL, 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, du bleu et du rouge. Du bleu, à 24 heures du coup d'envoi de l'euro, on sera là où ça se passe, notamment dans la fan zone du Champ de Mars à Paris qui vient d'ouvrir et au Stade de France où les bleus sont en train de donner une conférence de presse. On se demandera combien coûte et combien rapporte une telle compétition. On vous emmènera en coulisses de la cérémonie d'ouverture de demain. Avec nous, 3 générations de bleus. Robert Pires, vainqueur en 2000. Alain Giresse, vainqueur en 1984. Et Marian Wisniewski. Il était sur le terrain il y a 56 ans pour le tout premier Euro en France. RTL Soir en rouge également, celui de la colère. Grève à la SNCF, grève à Air France, grève des éboueurs. Une image de la France peu flatteuse sur laquelle reviendra à 18h30. Alain Duhamel. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Et alors que la colère est à son comble, alors que les grèves s'ajoutent aux grèves, voilà que Philippe Martinez joue l'apaisement. Je ne suis pas sûre que bloquer les supporters soit la meilleure image que l'on puisse donner de la CGT. Voilà ce qu'il dit. Alors pourquoi ce changement de ton? Décryptage dans ce journal. À suivre également les malheurs de Canal+. L'alliance avec beIN Sport est retoquée par l'autorité de la concurrence. La Bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,97% à 4 000. 405 points. Les courses à Vichy, il fallait jouer le 4, le 8, l'As, le 5 et le 18. Et on ne change pas les bonnes habitudes. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Marc-Olivier. Et allez, demain, encore du soleil et de la chaleur pour le début de l'Euro. Exactement, profitons-en. Demain, ça sera encore très ensoleillé, très chaud dans la plupart des régions. C'est vrai qu'en toute fin de journée, les premiers orages arriveront déjà sur la Bretagne, sur la façade atlantique du côté de l'Aquitaine. Mais avant leur arrivée, donc encore du soleil et de la chaleur, des températures qui auront le temps de grimper comme aujourd'hui, au-delà des moyennes de saison. Déjà le matin, entre 11 et 17 degrés en règle générale. Et l'après-midi, 20 à 24 ou 25 degrés dans la moitié nord et de 25 à 30 degrés encore dans le sud. Évidemment, ça baissera dès que les orages arriveront. À tout à l'heure, Louis Baudin. Et notez que l'autoroute A10, fermée depuis la semaine dernière à cause des inondations, devrait rouvrir dans les prochains jours, selon Vinci. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de nouvelles intempéries. RTL Soir. On en parle depuis des semaines, des mois, des années. Et aujourd'hui, ça y est, l'euro devient une réalité. Les Bleus ont quitté Clairefontaine ce matin pour un hôtel au cœur de la capitale, à une distance raisonnable du Stade de France. Le Stade de France où ils affronteront demain soir la Roumanie en match d'ouverture de cet Euro 2016 à domicile. Le Stade de France où Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris sont en train de donner une ultime conférence de presse. Jérôme Milagou, vous suivez ça pour RTL? Oui, les Bleus essaient de se raccrocher à leurs habitudes comme si tout était normal en fait. Mais l'agitation commence à les rattraper, les visites, les soutiens, les encouragements. Marcel Desailly est passé à leur hôtel tout à l'heure. Hier, c'était Gonzalo Quesada, le rugbyman, entraîneur du Stade français. Hugo Lloris, Didier Deschamps donc sont actuellement dans l'auditorium, dans les entrailles de ce Stade de France, d'habitude si gris aujourd'hui, si bleu du ciel, au tapis, dans les coursives, les tribunes tout autour du terrain. Et la pression monte, le capitaine Hugo Lloris. Je vous cache pas que ce matin, on a pu ressentir un petit peu de, enfin, quelque chose de différent, puisqu'on a quitté Clairefontaine, on s'est rapproché du Stade de France, on a pu croiser quelques supporters également à l'arrivée à notre hôtel. Voilà, il y a l'adrénaline qui est en train de monter petit à petit, et forcément il y a de l'attente. On a hâte d'être à demain, mais on profite de chaque instant et on connaît l'importance de ce match d'ouverture. La dernière mise en place tactique sur le terrain du Stade de France est dans 25 minutes à huis clos pour confirmer le 11 de départ de demain avec Dimitri Payet. Le calme avant le grand saut demain dans l'inconnu sous le regard des stars du ballon. Pelé, Maradona seront là. Les aînés champions du monde 98 aussi, Aimé Jacquet en tête. Bref, la planète foot demain, les yeux sur les bleus. Absolument, avec vous notamment Jérôme Milagou pour RTL et tout le service des sports. Et pour lancer la fête dès ce soir, Isabelle, un grand concert sous la Tour Eiffel avec David Guetta au platine. Concert à suivre depuis la Fan Zone qui vient tout juste d'ouvrir ses portes sur le Champ de Mars. C'est là que nous retrouvons Jean-Baptiste Bourgeon pour RTL. Alors Jean-Baptiste, par chance, il fait beau, hein, la soirée s'annonce bien et les spectateurs sont en train de s'installer. Oui, et déjà les premiers cris, allez les Bleus, vous les entendez, s'élèvent de la pelouse au pied de la Tour Eiffel. Mathieu, maillot de l'équipe de France, tente de se frayer un chemin entre les centaines de groupes de supporters assis devant l'écran géant. Il est ravi par cette soirée de fête qui commence. Super décor, c'est magnifique devant la Tour Eiffel. Ça va être une grosse fête ce soir et à partir de demain pour l'Euro. Tous les pays européens réunis, tout à l'heure j'ai vu des Roumains, il y avait des Anglais. Voilà, ils nous demandent des photos avec les drapeaux, regardez le monsieur avec le maillot, c'est magnifique. Il n'y a que le football qui peut amener ça. Autour des familles découvrent les 130 000 mètres